Merde, il tire des gaz. Ah, moi c'est bon, j'ai mis du citron, du vinaigre et du maloc sur mon foulard. Pas moi, j'ai les yeux qui piquent. T'as pas du sérum fille pour me rincer les yeux? Si, ouais. Penche la tête que le sérum coule de ton œil vers le sol. Aïe, aïe, aïe, j'aurais dû prendre mes lunettes de plongée.